Unité 31. La négation. Ne pas. Ne pas de. Vous êtes français? Vous habitez à Lyon? Non, je ne suis pas français et je n'habite pas à Lyon. 3. Prononciation et orthographe. Ne devient N' devant les verbes qui commencent par une voyelle ou un H muet. Il n'est pas marié. Il n'habite pas à Lyon. Pas de devient pas d' devant les noms qui commencent par une voyelle ou un H muet. Il n'a pas d'enfant. On ne prononce pas toujours le E de ne devant une consonne. On ne joue pas au foot. On ne prononce pas toujours le ne de la négation. On joue pas au foot.